Froissé par cette philippique, dont il ne pouvait à part soi contester la justesse, M. Pérol quitta le sécateur, tandis que Mme Pérol revenait au sujet de ses doléances. Tant de peine! Et pourquoi? Pour rien. Voilà pourtant 2 mois que nous exterminions, sur pied de nuit comme de jour, avec Scolastique, à qui j'avais promis de donner mon vieux châle, lorsque j'aurai mon châle neuf, et qui, l'hiver prochain, pour la messe de 7 heures, devra se contenter de sa pelisse d'indienne. D'abord, premier agrément. Les vers à soie s'étant trop pressés d'éclore, en avant d'une semaine, sans attendre que le ver eût poussé au mûrier, il nous a fallu chaque matin, pour leur nourriture, ramasser des feuilles de ronces, le long des fossés, comme 2 bohémiennes. Je n'ai encore les doigts picotés. Et après leur second sommeil, quand tout à coup ils sont devenus tristes, qui est allé, au risque de se précipiter, cueillir dans les rochers du fort la lavande et la marjolaine nécessaires aux fumigations? Est un autre tracas encore. Enfin, tout marchait bien. Alignés sur les étagères, mes 50 cabanettes en belle bruyère de lure n'attendaient plus que les cocons. Mes vers à soie achevaient de dormir d'étroit, roux comme l'or, gonflés, transparents et suant la soie. Déjà, ils grimpaient le long des brindilles. Les plus braves filaient déjà, accrochant leurs fils à droite, à gauche. Quand est survenu cet orage? Alors, au premier coup de tonnerre, j'ai vu les pauvres bêtes redescendre et venir mourir sur leur litière. Un désastre. Scolastique pleurait, j'avais envie d'en faire autant.